Ça m'a énormément apporté. Sans cette école, je n'aurais pas eu la même chance. Ça nous ouvre des portes, vraiment, parce que certains profs travaillent pour ces grandes entreprises. D'abord, ça nous aide à trouver des stages. Et puis, ils connaissent le monde du travail. Ils peuvent nous donner un coup de main et donc nous préparer aux situations qu'on va rencontrer sur le terrain. Je n'aurais jamais pu avoir les stages que j'ai faits si j'avais étudié dans ma petite fac de province. Et puis, j'ai vécu avec des gens qui parlaient français et j'ai même parlé d'autres langues avec mes amis étrangers. C'était formidable. Ça m'a permis d'améliorer mon niveau dans plusieurs autres langues. C'est super positif.